Monsieur Machin n'avait pas envie partir si tôt, partir si vite. Mais aujourd'hui, dans son blanc lit, aveugle et sourd, il prend la fuite. Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin n'avait pas prévu de partager tant de souffrances, d'avoir aussi durement vécu, d'avoir traîné son existence. Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin n'avait pas gagné beaucoup d'argent, beaucoup d'amis. Mais il est trop tard pour pleurer, le temps passé s'est endormi. Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin. Monsieur Machin n'avait pas songé un jour quitter son petit jardin, pensait qu'un jour il oublierait, lui donne un foutu chagrin. Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin partira demain. Le professeur en est désolé, impuissant mais bien, bien certain. Machin demain va trépasser. Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin, Monsieur Machin.